La confession de Jenaram. Je suis né à Kamsgill, petit village dans le Netherdale. Ma famille avait occupé dans l'origine un rang assez élevé dans la société. Elle avait la seigneurie d'Aram, sur la rive méridionale de la Tille. Mais le temps avait fini par la placer dans une situation fort humble, où elle avait gardé quelque chose de l'orgueil naturel aux héritiers d'un nom antique et des prétentions vaines malgré leur fierté. Mon père habitait une petite ferme et montrait une grande habileté dans l'horticulture. C'est un don que je tiens de lui. J'avais environ 13 ans lorsqu'éclata en moi la passion intense et profonde qui est devenue le démon de ma vie. J'avais toujours montré dès ma plus tendre enfance une grande inclination pour la solitude, pour la rêverie, distraite et sans but. Ces traits de caractère n'étaient alors que les présages de l'amour qui s'empara de moi, l'amour de la science. Une occasion toute fortuite dirigea mon attention vers les connaissances les plus abstruses. Je m'abandonnai de toute mon âme à cette noble étude, qui est la base réelle de toute vraie découverte, et les résultats heureux que j'obtins m'ouvrirent bientôt de nouvelles routes plus fleuries. L'histoire, la poésie, qui nous rendent les maîtres du passé, ce pouvoir enchanteur qui évoque devant nous le monde des visions, prirent la place qu'avaient tenue jusqu'alors les chiffres et les lignes. Je me laissais aller chaque jour davantage à mon goût pour la solitude, et l'étude prit chaque jour pour moi des charmes plus vifs et plus attrayants. Elle devint en moi une passion qui élargissait chaque jour mes vues et mes désirs. Je ne veux pas, je ne puis pas m'étendre à loisir sur ce sujet en décrivant avec détail ce que j'appris ainsi, sans aucun maître, avec un labeur qui me paraissait d'autant plus doux qu'il était plus intense. L'univers, la création, tout ce qui était doué de vie et de mouvement, tout en un mot devint pour moi un objet d'intérêt, d'étude attentive et passionnée. Je sentais glisser sur mon âme, comme une surface lisse et dure, les plaisirs ordinaires, les charmes des liens de la vie commune. Ils me laissaient insensible et froid. Vous avez entendu sans doute dire qu'il y a en Orient des hommes qui tombent dans une immobilité absolue et durant plusieurs jours de suite. Leurs yeux sont dirigés fixement vers le ciel. De même, mon esprit, absorbé tout entier par la contemplation de choses qui dépassaient sa portée, n'avait aucune notion de ce qui se passait autour de moi. Mes parents moururent, me laissant orphelin. Je n'avais point de foyer, point de fortune. Mais partout où un champ contenait une fleur, mais du moment qu'il y avait des étoiles au ciel, il n'en fallait pas davantage pour me soutenir et me faire vivre dans le plaisir. Je passais des mois entiers à errer sans but, passant le plus souvent la nuit à la belle étoile, et fuyant l'homme comme si je voyais en lui celle des créatures divines qui avaient le moins de choses à m'enseigner. Je vins à Knaresborough. La beauté de ce pays, la facilité de lire des livres que me fournissait une bibliothèque ouverte pour moi, me décidèrent à me fixer à cet endroit. Et dès lors, de nouveaux désirs m'ouvrirent de nouveaux horizons, développèrent en moi des ressources inconnues. Je me sentis hanté par l'ambition de perfectionner mon espèce. Tout d'abord, j'avais aimé la science pour elle-même. Désormais, j'entrevoyais un but bien plus noble que la science. À quoi bon, me disais-je, tant de labeur? Dois-je entretenir une lampe pour qu'elle brûle solitaire et n'éclaire qu'un désert? Pourquoi accumuler des richesses s'il n'y a personne qui doive profiter de ce trésor? Je me sentais inquiet, mécontent. Que fallait-il faire? Je n'avais point d'amis. J'étais comme un étranger dans ma propre espèce. J'étais paralysé, exclu de tout emploi utile par ma pauvreté. Je vis mes désirs bornés par un mur infranchissable au moment même où leur but s'élevait. Tout ce qu'il y avait d'ardeur, d'ambition, d'orgueil dans ma nature était figé par le froid glacial du monde extérieur. J'épuisais les sciences qui étaient à ma portée. Où fallait-il en chercher d'autres, maintenant que mon appétit était excité et que n'ayant plus d'argent, je manquais de tout moyen pour le satisfaire? Mes capacités, les humiliations que je m'imposais pour me soumettre aux besognes les plus basses, tout cela ne servait qu'à m'empêcher de mourir de faim. Serait-ce donc là ma destinée définitive? Et pendant que je consumais mon âme sans autre résultat que de pourvoir aux plus vils besoins de la nature physique, je voyais les heures dorées, les avantages glorieux, les portes s'ouvrant sur des cieux nouveaux, les chances d'éclairer le monde, je voyais tout cela s'évanouir, disparaître à jamais devant moi. Parfois, Lorsque les enfants auxquels je m'étais chargé d'apprendre les éléments les plus simples se réunissaient autour de moi, ils me regardaient en face, les yeux pleins de rire, et comme ils m'aimaient tous, et qu'ils me contaient leurs petits plaisirs, leurs menus chagrins, je me surprenais maintes fois à désirer de retourner à cet état d'enfance, de redevenir semblable à l'un d'entre eux, et d'entrer ainsi dans ce paradis de repos qui m'avait été refusé jusqu'alors. Mais le plus souvent c'était un regard d'indignation, plutôt que de mélancolie que je jetais sur ma triste destinée. Fallait-il me faire domestique de ferme et oublier ce que j'avais appris? Fallait-il faire vivre mon intelligence dans la pauvreté, la priver de sa nourriture pour assurer la subsistance à mon corps? Fallait-il demander l'aumône? De tout cela, je me sentais incapable. À quelle époque du monde a-t-on jamais vu le vrai étudiant, le vrai ministre, le prêtre de la science, dépourvu de ce sentiment altier de sa dignité, de sa mission? Devais-je étaler les blessures de mon orgueil, dénuder mon cœur, demander à des idiots opulents le strict nécessaire pour qu'un savant ne mourût pas de faim? Pouah! Celui que la pauvreté la plus misérable amènerait à se courber ainsi est un charlatan. Ce n'est point le vrai disciple de la science. Que faire alors? Je consacrais la partie la moins élevée de mes connaissances à me procurer le strict nécessaire pour vivre. Je gardais pour moi cette science qui perçait les profondeurs de la terre et qui dénombrait les étoiles du ciel. Ce fut à cette époque que je fis à Knaresborough la connaissance d'un parent éloigné, Richard Houseman. Quelquefois, nous nous étions rencontrés pendant nos promenades. Il me recherchait, et il ne m'était pas toujours possible de l'éviter. C'était un homme destiné à la pauvreté, comme je l'étais moi-même, mais il avait toujours su s'en accommoder comme si pour lui elle était l'aisance. Cela me paraissait un mystère. Un jour que notre conversation était tombée sur ce sujet, il me dit « Avec toute votre science, vous êtes pauvre. Moi, je ne sais rien, mais je ne suis pas pauvre. Comment cela se fait-il? C'est que le monde est mon capital. Je vis sur mon espèce. La société est mon ennemi. Les lois me commandent de crever de faim, mais l'instinct de conservation est quelque chose de plus sacré que les lois. Il me commande avec plus d'autorité. » Ce langage, dans sa crudité âpre et franche, me révolta. Mais non sans faire en moi quelque impression. Je regardais cet homme, je vis en lui un sujet d'étude, et je le contredis afin de mieux le connaître. Il avait été soldat. Il avait parcouru la plus grande partie de l'Europe. Il était doué d'un instinct fort et juste. C'était un vil personnage, mais un scélérat audacieux et adroit. Il y avait donc quelque espoir de le relever. Sa conversation fit naître en moi de sombres réflexions qui me troublèrent. Quel était l'état de la société? N'y avait-il pas une guerre acharnée entre les éléments qui la constituaient? N'était-ce pas une organisation où le vice était plus encouragé que la vertu? La science était mon rêve, et ce rêve, il dépendait de moi d'en faire une réalité. Et cela non plus par de patientes souffrances, mais par quelques actes de hardiesse. Ne pouvais-je point prendre de force à la société à laquelle je ne devais rien? Les ressources nécessaires pour devenir philosophe et magnanime? N'était-il pas meilleur et plus noble d'agir ainsi, même au péril de ma vie, que de tomber dans un fossé et d'y mourir comme un chien? Oui, sans doute il valait mieux, non seulement pour moi, mais encore pour l'espèce humaine, risquer une action hardie quoique coupable, et par cette action conquérir le pouvoir qui me permettait de faire le bien. Je me posais ainsi la question. C'est une terrible question. Elle vous entraîne dans un labyrinthe de raisonnement où l'âme peut s'enfoncer et se perdre à jamais. Un jour, Houseman me rencontra, accompagné d'un étranger qui venait d'arriver dans notre ville. Vous devinez déjà dans quel but. Son nom, du moins le nom qu'il s'était donné, était celui de Clark. Faites attention désormais. Je suis sur le point de m'expliquer franchement sur le caractère de cet homme et sur sa destinée. Et pourtant, vous êtes son fils. Je voudrais adoucir les nuances. Mais il faut que je dise la vérité sur moi. Et je ne dois pas altérer la vérité en parlant des autres lorsque je m'expose ainsi à me peindre encore plus noir que je ne suis. Houseman me rejoignit, me présenta ce personnage. Tout d'abord, je sentis un frisson de répugnance me parcourir tout le corps. Et pour quiconque eût vu l'individu, ce mouvement de répulsion se fut aisément expliqué. Son ensemble et ses traits exprimaient la réunion de tous les vices imaginables. On lisait sur son front, dans ses yeux, l'histoire de toute une vie passée dans la débauche sordide et la prodigalité. Sa conversation me répugnait au dernier point. Il exprimait les sentiments les plus bas, et il les appuyait de sentences qu'il donnait comme l'expression d'une sagacité supérieure. Il ne faisait point difficulté d'aimer sa malhonnêteté systématique, et de confesser qu'il était au dernier degré de l'échelle. Surprendre, tromper, éluder, flatter, flagorner bassement, tels étaient les talents qu'il étalait avec un cynisme grossier, impudent, au point de montrer que par une longue habitude de ce qui était vil, il avait perdu le sentiment de tout ce qu'il n'était pas. Haussmann paraissait l'exploiter ou le faire parler. Il nous raconta des traits de sa scélératesse et les embarras où ses actes l'avaient plongé. Il finit néanmoins par nous dire « Et pourtant, tel que vous me voyez, je suis riche et satisfait. J'ai toujours été le plus vénard des hommes. Peu m'importe la guigne d'aujourd'hui, j'en suis quitte pour attendre la chance du lendemain. J'avoue que je traîne partout le mal après moi, et que partout la Providence me traite bien. » Le hasard fit que nous nous rencontrâmes plus d'une fois, et notre entretien eut toujours la même tournure. Il s'agissait toujours de la coquinerie et de la bonne chance. C'était le seul thème qu'il connut, la seule chose dont il se vanta. Pensez-vous que ces propos fussent sans influence sur les sombres et ténébreuses réflexions qui s'agitaient dans les profondeurs de mon intelligence? N'y avait-il pas un ordre de la Providence qui commanda aux hommes de veiller eux-mêmes au soin de faire fortune, puisque le destin prodiguait ses faveurs à cet être bas et rampant, qui ne pouvait se frayer accès dans le vice même que par des passages souterrains et des entrées inconnues? Était-ce la peine d'être vertueux et de regarder en haut, alors que les gredins s'asseyaient les premiers au festin de la vie et mangeaient les meilleurs plats? Cet homme-là n'avait d'autre ressort que les passions les plus méprisables, les désirs les plus frivoles. Il leur donnait satisfaction, et la destinée le regardait faire en souriant. Et moi, qui avais fermé mon cœur aux inoffensives tentations des sens, moi, qui m'étais nourri seulement des plus glorieuses illusions, des désirs les plus honorables, je me refuserais à moi-même les moyens de les satisfaire, je resterais tremblant, inactif, comme ensorcelé par les formules magiques des lois humaines, sans espoir, sans récompense, perdant, par ma timidité devant le crime, les ressources mêmes qu'il me fallait pour être honnête. Ces pensées pénétraient d'une manière obscure mais rapide dans mon âme, mais elles n'aboutissaient à rien. Je ne voyais rien au-delà. Je laissais passivement l'indignation me ronger le cœur, je gardais le même calme, je tenais la même conduite que pendant le développement de mon esprit. Oui, à cette époque même où je maudissais la destinée, je n'avais point cessé d'aimer l'espèce humaine. Ce qui inspirait ma jalousie, c'était justement de voir en d'autres mains les ressources que j'aurais employées à la servir. J'avais toujours été, depuis mon enfance, disposé à la bonté, à la sympathie envers tous les êtres. Il n'y avait pas d'animal, si dépourvu qu'il fût de tout moyen d'expression, qui n'eût le don de me faire sortir de la foule et ne trouvât en moi un protecteur. Et cependant j'étais destiné à... Mais je ne veux pas empiéter sur la suite de mon récit. En rentrant chez moi après mes promenades longues et solitaires, je passais souvent près de la maison qu'habitait Clark. Plus d'une fois je le vis chancelant d'ivresse, insultant tous les passants dont l'indignation restait muette, dominée par le dégoût. « Voilà donc, disais-je en moi-même, l'être répugnant et licencieux qui gaspille en excès brutaux, qui prodigue en affront à la société cet argent qui ferait de mon âme une lampe allumée, capable d'éclairer le monde. » Il y avait dans les vices de cet homme quelque chose qui me révoltait plus que l'immoralité cynique de Haussmann. Ce dernier n'avait possédé à aucun degré les avantages de l'éducation. Il était ouvertement, brutalement, grossièrement scélérat, et il avait une sorte d'instinct qui couvrait en quelque sorte ses défauts. Mais chez Clark, on retrouvait des traces d'un passé qui aurait pu le conduire au bien, des vestiges d'éducation. Ce qui choquait en lui, c'était moins la grossièreté de ses manières que la vulgarité énervante, irritante, qu'il montrait en toutes circonstances. Si Haussmann avait eu quelque argent dans sa bourse, il aurait, par pure indifférence et sans réfléchir, payé une dette ou soulagé un ami. Il n'en était pas ainsi de l'autre. Eût-il eu de l'argent à profusion, qu'il n'eût pas manqué de berner un créancier, de duper un ami. Il y avait en lui une bassesse, une faiblesse pitoyable, qui lui faisait regarder la tromperie la plus vile comme un bon tour, un trait d'esprit. En outre, son intelligence était non seulement dégradée, mais encore brisé par les habitudes de sa vie. Il laissait entrevoir une sorte de démence étrange, toute particulière. Il aimait qu'on rit de sa petitesse. Haussmann était jeune, il pouvait s'amender, mais Clark avait les cheveux gris, le regard trouble. Il était vieilli moins par l'âge que par son état de santé. Tout en lui était définitif, désespéré. La lèpre avait gagné toute l'économie. Le temps a peu à peu réduit Haussmann au même état que Clark. Un jour, en passant dans la rue, et en plein jour, je rencontrai Clark. Il était tout à fait ivre et haranguait un rassemblement qui s'était formé autour de lui. Je cherchais à m'éloigner, il ne le voulut pas, et cet homme, dont le seul contact, la seule vue me rendait malade, se jeta sur mon chemin, affecta de me narguer, de me faire des insultes. Il osa même me menacer. Mais à peine était-il près de moi, qu'un seul de mes regards le fit reculer, et je continuai mon trajet sans me préoccuper davantage de lui. L'insulte dont il s'était servi me brûlait comme une morsure venimeuse. Il avait raillé ma pauvreté. La pauvreté était l'objet de ses plaisanteries préférées. Cela m'exaspéra. Je ne ressentais ni colère ni désir de me venger, non. Ces deux passions, je ne les ai jamais éprouvées à l'égard d'aucun homme. Il m'était impossible de les laisser naître en moi à l'occasion d'un tel personnage. Néanmoins, j'étais diminué à mes propres yeux, j'étais piqué. La pauvreté. Lui, railler un homme comme moi. Lui, il se regardait comme mon supérieur grâce à quelques parcelles de métal. Mes pas inconscients me portèrent hors de la ville. Je m'arrêtai vers un endroit où la rivière encombrée de plantes aquatiques faisait un détour. C'était par une sombre après-midi, en hiver, les eaux étaient noires et mornes, les feuilles sèches craquaient avec un bruit mélancolique sous mes pieds. Qui oserait nier l'influence qu'ont sur nous les aspects extérieurs de la nature et les changements qu'ils peuvent produire dans nos dispositions? Toute chose autour de moi semblait me considérer d'un air colère et hostile. Je lisais à la surface de la terre et des cieux la confirmation de la sentence de malédiction qui a été rendue contre la pauvreté. Je m'adossais contre un arbre dont les branches s'étendaient au-dessus des eaux et je laissais mes pensées suivre en silence leur course obscure et désolée. J'entendis prononcer mon nom. Je sentis une main sur mon épaule. Je me retournai et bientôt Haussmann se trouva à côté de moi. « Eh bien, on est en train de philosopher ?» me dit-il avec son rude sourire. Je ne lui répondis pas. « Regardez donc, » me dit-il en me montrant du doigt la rivière. « Voyez comme ce poisson guette sa proie. Eh bien, est-ce que vous ne savez pas lire ce que la nature enseigne, ce qu'elle enseigne toujours et partout ?» Je restai silencieux. « Ceux qui ne font pas comme les autres, reprit-il, ne remplissent pas le but pour lequel est faite l'existence. Ils visent à en savoir plus long que les autres, et pour les en récompenser, on les traite de fous. Est-ce qu'il n'en est pas ainsi? Je suis un ignorant, et je ne demande qu'à m'instruire. » Je restai toujours silencieux. « Vous ne répondez pas, dit-il. Est-ce que vous êtes fâché? Non. « Eh bien, continua-t-il, si étrange que la chose vous paraisse, nous sommes, vous et moi, dans la même situation. » Malgré la différence qu'il y a entre votre esprit et le mien. Je n'ai pas une guinée à moi, vous en êtes peut-être au même point. Mais il y a pourtant une différence, remarquez-la bien. Moi, l'homme ignorant, avant qu'il se soit écoulé 3 jours, j'aurais garni ma bourse, et vous, le savant, vous serez toujours pauvre. Allons, voyons, plantez-moi là votre sagesse et faites comme moi. Comment? Prenez sur le superflu d'autrui ce que votre nécessaire exige. Mon cheval, mon pistolet, la main leste, le cœur solide, voilà qui vaut pour moi le coffre-fort d'autrui. On s'expose ainsi à être découvert, à être condamné à mort, j'en conviens parfaitement. Mais cette chance peut-elle être mise en balance contre des certitudes que vous connaissez bien? Je détournai la tête d'un autre côté. Dans le silence de ma chambre, dans la solitude de mon cœur, j'entretenais les mêmes pensées que ce bandit. Une lutte se livrait en moi. « Voulez-vous avoir votre part du danger et du butin ?» me dit à voix basse Haussmann. Je fixai mes yeux sur lui. « Parlez clairement. Expliquez-vous sur ce que vous comptez faire. » Les yeux de Haussmann brillèrent. « Écoutez-moi, dit-il. Clark, avec sa fortune actuelle, qui lui appartient légalement, compte se procurer par emprunt une somme plus grande encore. Il a converti son héritage en bijoux. Il a emprunté d'autres bijoux par le moyen d'allégations mensongères. Il se propose de garder cela et de quitter la ville au milieu de la nuit. Il m'a confié son projet et m'a demandé mon aide. Lui et moi, sachez-le bien, nous sommes de vieux amis. Nous avons partagé d'autres risques et d'autres projets. Il veut que je l'aide dans sa fuite. Maintenant, comprenez-vous où je veux en venir? Soulageons-le de son fardeau. Je vous en offre la moitié, si vous consentez à prendre votre part de la besogne. » Je me levais, je marchais, je pressais mes mains sur mon cœur. J'essayais d'imposer silence à la voix qui murmurait au-dedans de moi. Haussmann devinait, il voyait cette lutte. Il me suivit. Il me détailla la valeur du butin qu'il me proposait de conquérir. Ce qu'il appelait ma part mettait entre mes mains la satisfaction de tous mes désirs. Désormais, je pourrais rassasier la seule passion de mon âme, la passion de savoir. C'était la bienheureuse indépendance dans la solitude. Tout cela était à ma portée. Il ne fallait point pour cela commettre une faute qui dût être réitérée. Nul besoin d'accomplir un nouveau crime. Un seul acte et c'était tout. Je respirais péniblement, mais je ne laissais pas d'éclater l'émotion qui remplissait mon âme. Je fermais les yeux, mais je frémis en apercevant toujours cette vision. « Donnez-moi votre main, » fit Haussmann. « Non, non, » dis-je en le repoussant. « Il faut que je songe, que je réfléchisse. Je ne refuse pas, mais je ne saurais accepter à l'instant. » Haussmann insista, mais je persévérais dans ma détermination. Il eût voulu me menacer, mais mon caractère le dominait et le maîtrisait. Il fut convenu qu'il viendrait me retrouver cette nuit, que je lui dirais ce que j'avais décidé. La nuit suivante était celle où le coup devait être exécuté. Nous nous séparâmes, et quand je rentrais chez moi, j'étais un tout autre homme. Le destin avait tendu son filet autour de moi. Un nouvel incident survint qui en resserra les mailles. Il y avait une pauvre fille que j'avais souvent rencontrée dans mes promenades. Elle soutenait sa famille par son habileté à faire de la dentelle. C'était une créature paisible, dont la physionomie exprimait la patience et l'honnêteté. Quelques jours auparavant, sous prétexte de lui acheter de la dentelle, Clark l'avait attirée chez lui, au moment où il y était seul et avait abusé d'elle avec la violence la plus brutale. L'extrême pauvreté des parents lui avait permis d'obtenir aisément leur silence. Néanmoins, quelque chose avait transpiré au dehors. La pauvre fille était désormais marquée de ce stigmate d'infamie que rien ne peut effacer, et que les classes inférieures de la société font sentir avec une grossièreté impitoyable et cruelle. La jeune fille, dans l'égarement de la honte et du désespoir, avait mis fin à ses jours. Ce tragique événement fit connaître l'histoire que la famille avait jusqu'alors cachée. Tout cela parvint à mes oreilles, au moment même où mon esprit oscillait de côté et d'autre. Vous ne vous étonnerez pas d'apprendre que dès lors je pris mon parti et me décidai pour l'action. Qu'était cet homme ? Un misérable vieilli dans le vice. Il allait au-devant de son heure. Il se dirigeait d'un pas chancelant vers une tombe infâme, souillant tout ce qui se trouvait sur sa route, déshonorant ses cheveux gris par une luxure effrénée, pourriture plutôt que passion en son cœur. C'était un être nuisible et maudit en ce monde. Qu'allais-je faire, après tout ? Débarrasser la terre d'un être à la fois vil et venimeux ? Était-ce un crime ? Était-ce un châtiment ? Je sentais en moi la volonté, un esprit capable d'être utile à l'espèce humaine. Il me manquait les moyens d'accomplir cette volonté, de donner des ailes à cet esprit. Une action, une seule, et j'avais ces moyens. Si la victime de cet acte avait été un homme de quelque bonté, un de ces hommes qui suivent d'un pas régulier la ligne étroite qui sépare le vice et la vertu, ne causant ni bien ni mal à personne, j'aurais eu encore le droit de me demander si l'humanité ne gagnerait pas à mon action. Mais il s'agissait d'un homme que n'avait jamais arrêté aucune bonne pensée, dont le cœur n'avait jamais éprouvé une émotion généreuse. C'était une tâche, une erreur de la création, et rien que la mort ne pouvait laver cette souillure et rendre au monde sa pureté. Le soldat reçoit sa paye, il tue et s'endort tranquillement, et les hommes l'applaudissent. Mais, dites-vous, il frappe pour gagner sa paye et non en vue de la gloire. Accordons-le, quoique ce soit un sophisme. N'y aurait-il pas de gloire à conquérir dans une sphère bien plus noble que celle de la guerre ? N'y aurait-il aucune gloire à conquérir en cultivant la science, qui conserve au lieu de détruire ? Le coup que j'allais frapper, n'avait-il pas pour but réel de me donner les moyens de cultiver la science ? Allons plus loin. Supposons que le vrai mobile du soldat fût le patriotisme. Le mobile qui m'inspirait n'était-il pas plus noble que le patriotisme ? N'avait-il pas pour limite un cercle bien plus vaste ? Telles étaient les questions que je me posais et que le temps résoudra un jour. Haussmann fut ponctuel à notre rendez-vous nocturne. Je lui tendis la main en silence, nous nous étions compris. Nous ne parlâmes plus de l'affaire elle-même. Il ne fut question que des moyens à employer. Le malheureux événement que j'ai raconté, je veux parler du suicide de la jeune fille, avait accru la hâte qu'avait Clark de quitter la ville. Il était convenu avec Haussmann qu'il disparaîtrait cette nuit même, au lieu d'attendre la suivante, comme il en avait eu d'abord l'intention. Ses joyaux et ses valeurs tenaient dans un étroit espace. Il avait prévenu que vers minuit, il quitterait son domicile. Haussmann devrait l'attendre à 1 mille de la ville avec une chaise de poste toute prête. Clark avait promis à Haussmann une récompense pour ce service, et ce dernier avait fait semblant de s'en contenter. Je devais rencontrer Haussmann et Clark à une certaine distance de la ville. Alors, nous... Haussmann parut d'abord avoir peur de me voir fléchir et renoncer à mon projet. Il n'en est jamais ainsi chez les hommes dont la pensée est profonde et vigoureuse. Prendre la résolution, tel était le point capital. Une fois la résolution prise, je m'interdisais de regarder en arrière. Haussmann me quitta ensuite. Il me fut impossible de rester dans ma chambre. J'allais de côté d'autre par la ville. La nuit s'avança. Je vis les lumières s'éteindre successivement dans toutes les maisons. Tout retomba dans l'obscurité. Le silence et le sommeil avaient pénétré dans les demeures de tous les mortels. Cette tranquillité, ce repos, cette trêve accordée à la fatigue et aux soucis, comme elle entrait profondément dans mon cœur. Jamais la nature ne me parut avoir suspendu son cours dans un moment plus terrible. Il me semblait que moi et la victime, nous étions maintenant seuls au monde. Je m'étais enveloppé d'une hautaine et enthousiaste folie qui m'élevait au-dessus de la crainte. Je me disais, l'action que tu vas accomplir est un grand et solennel sacrifice en l'honneur de la science, dont tu es le prêtre. Le silence même contribuait à m'inspirer une austère et terrible sainteté. J'éprouvais le calme de l'autel et non celui de la tombe. J'entendis les heures sonner l'une après l'autre sans que mon courage s'affaiblît ou s'impatientât. Mon esprit était endormi dans son dessein. La lune se montra, mais blême et sans éclat. L'hiver pesait sur la terre. La neige qui était tombée vers le soir formait une couche épaisse sur le sol. Le froid extrême paraissait enfermer la nature entière dans ce calme sépulcral qui avait pris possession de mon âme. Haussmann devait venir me trouver chez moi quelques instants avant celui où Clark sortirait de chez lui. Mais il n'arriva qu'environ 2 heures après. Je me promenais alors en long et en large devant sa porte. Je vis alors qu'il n'était pas seul. Clark était avec lui. « Ah ! » dit-il, « c'est bien heureux. Je vois que vous venez de rentrer chez vous. Je me rappelle, c'est vrai, que vous étiez invité à passer la soirée hors de la ville, à quelque distance, et vous venez de rentrer, je suppose. Voulez-vous permettre à M. Clark et moi d'entrer chez vous pendant quelques instants seulement ? Car, ajouta-t-il d'une voix plus basse, le veilleur de nuit se trouve par ici. » Et il ne faut pas qu'il nous voie. J'ai dit à Clark qu'il peut se fier à vous, que nous sommes parents. Clark me paraissait étrangement crédule et insouciant, étant donné le caractère de son associé. Mais la destinée aveugle ceux qu'elle envoie à leur perte, et d'un ton indifférent, il me fit la même demande en alléguant le même motif. Sans le vouloir, j'ouvris la porte et les fis entrer. Nous montâmes à ma chambre. Clark parla sans le moindre embarras de la tromperie qu'il projetait. Il parla de la pauvre fille avec un manque de cœur qui fit bouillir le sang dans mes veines. Tout cela, c'était des liens de fer qui consolidaient ma résolution. Ils passèrent chez moi environ 1 heure, car le veilleur de nuit mettait ce temps pour parcourir le quartier. Alors Haussmann me pria de les accompagner à quelque distance de la ville. Clark me le demanda aussi. Nous sortîmes. Ce qui se passa ensuite, à quoi bon le répéter ? Haussmann a menti devant le tribunal. Ma main a frappé. Mais elle n'a pas donné le coup mortel. Cependant, depuis 7 minutes, je n'ai jamais tendu cette main droite en signe d'amour ou d'amitié. Elle conserve toujours, dans ma mémoire, une malédiction. Nous partageâmes notre butin. J'enterrai le mien pour le moment. Haussmann était en relation avec une diseuse de bonne aventure bohémienne, et grâce à elle, il put aussitôt transporter sa part à Londres. Maintenant, voyez comme nous nous débattons misérablement dans le filet du destin. 3 jours après mon acte, un parent, qui pendant toute sa vie m'avait oublié, mourait en me laissant sa fortune. Du moins pour moi, c'était une fortune, une somme plus considérable que celle pour laquelle j'avais... Cette nouvelle me frappa comme un coup de foudre. Ah, si j'avais entendu 3 petites journées ! Grand Dieu ! Quand on me l'annonça, je crus entendre les ricanements de Satan, raillant le fou qui s'était vanté de posséder la sagesse. qu'on me parle maintenant de notre libre arbitre. Nous ne sommes que la chose d'une fatalité inexorable, qui ne nous l'a jamais. Nous sommes prédestinés à notre sort, enchaînés à une roue qui tourne jusqu'à ce qu'elle arrive à un certain endroit où nous sommes écrasés. Si j'avais attendu 3 jours, 3 jours, si du moins un songe m'avait averti, si mon cœur m'avait murmuré faiblement ces mots, tu as souffert bien longtemps, attends encore un peu. Mais non, c'était pour cela, pour la faute et son châtiment, pour une vie perdue et une mort infâme, après mes rêves de bienfaisance et de gloire, c'était pour cela que j'étais né, que j'avais été marqué dès mon premier sommeil dans le berceau. La disparition de Clark ne manqua pas de produire une vive agitation. Ceux qui l'avaient trompé étaient naturellement intéressés à le découvrir. Quelques-uns émirent de vagues suppositions qui ne tardèrent pas à se répandre. Selon eux, Clark avait été supprimé. Haussmann et moi nous fûmes interrogés, par suite de quelques coïncidences qui nous désignaient, mais non pas ce qu'on me soupçonnait avant ou depuis cet interrogatoire. La chose fut bientôt terminée. Haussmann ne se trahit pas. Quant à moi, dès mon enfance, je m'étais accoutumé à maîtriser mes émotions, qui sont les jouets des passions, mais je compris à la physionomie de la femme chez qui j'habitais. Cette femme me soupçonnait. Haussmann me dit qu'elle lui avait fait connaître nettement sa pensée. Il me paraissait même décidé à la faire disparaître. Mais son départ de la ville retarda l'exécution de ce projet qu'il réalisa par la suite. Je ne m'attardai pas longtemps après lui. Je déterrai mes bijoux, je les cachai sur moi, et je partis à pied pour l'Écosse, où je vendis ma part. Désormais, j'étais à l'abri du besoin. Avais-je trouvé le repos? Pas encore. Une impulsion secrète me poussait à errer. La malédiction qui pèse sur Caïn retombe sur ses descendants. Je voyageais pendant longtemps. Je vis les hommes et les villes. C'était un nouveau livre qui s'ouvrait à moi. Chose étrange. Avant mon acte, j'étais comme un enfant sur les routes du monde. Et même un enfant m'aurait trompé aisément, malgré l'étendue de mon savoir. Mais l'instant d'après, ce fut comme si une lumière subite eût brillé devant moi, comme si mes yeux étaient sous l'influence d'un charme qui les rendit capables de pénétrer jusqu'au fond des âmes. Oui, c'était un sortilège d'un genre nouveau, c'était le soupçon. Je m'exerçais au maniement des armes, désormais ce fut ma seule société. Si paisible que je parusse aux yeux des hommes, je sentais que désormais il y aurait éternellement en moi une chose avec laquelle l'univers ne pouvait pas être en paix. Je ne vous trompe point. Je n'éprouvais rien de ce que les hommes appellent le remords. Je m'étais dit, éprouvé une fois pour toutes, que j'avais fait disparaître de la terre une créature qui n'y causait que le trouble et la corruption. J'avais marché d'un pas ferme à un but glorieux en écrasant un être indigne, qui ne possédait pas l'ombre d'une vertu, pas l'ombre d'une pensée qui pût être utile à autrui. M'étant donc bien persuadé de cela, je n'étais point assez faible pour éprouver un vague remords en présence d'un acte qu'il était impossible, en mon cas du moins, de qualifier de crime. Ce que j'éprouvais était un regret, non un remords. Je me disais qu'une attente de 3 jours m'eût sauvé non de la faute, mais de la honte, m'eût évité cette humiliation de tomber au niveau d'un Haussmann, et de sentir que le pouvoir de me nuire était entre les mains d'un tel homme, que désormais je n'étais plus sans crainte de la méchanceté, de la curiosité humaine, que j'étais l'esclave de mon propre secret. Je cessais d'être le maître dans mon propre cœur. Je n'étais plus libre de le montrer ou de le cacher. À quelque moment que ce fût, au milieu des honneurs, au foyer de l'amour, je pouvais être appréhendé, accusé de meurtre. Ma vie, ma réputation était à la merci de l'incident le plus banal. Au moment même où j'y songerais le moins, la terre pouvait rendre le cadavre, le gibet demander sa victime. Voilà ce que je pouvais éprouver. Ne pas faire de mon passé un spectre qui marcherait toujours côte à côte avec moi, qui s'étendrait dans mon lit auprès de moi, qui surgirait entre les pages de mes livres, qui se glisserait entre moi et les étoiles du ciel, qui s'en irait furtivement flétrir de son haleine les fleurs embaumées, qui murmurerait à mon oreille « Travail insensé pour acquérir la science. Le don de la sagesse est le seul moyen capable de nous élever au-dessus de la fortune, mais toi, tu es devenu son favori, son préféré. » Je mis enfin un terme à mes courses. Je m'entourai de livres, et la science redevint pour moi ce qu'elle avait déjà été, une soif inextinguible, mais elle cessa aussi d'être ce qu'elle avait été, une récompense. J'occupais mes pensées, j'entassais dans mon esprit de nouveaux aliments. Lorsque je regardais autour de moi, je voyais bien peu de gens dont les richesses intellectuelles égalassent les miennes. Mais pendant que cette passion brûlait au-dedans de moi, qu'était devenu ce désir plus ardent encore, qui m'avait séduit pendant cette période, sorte de gouffre sombre qui séparait mon adolescence de mon âge viril, entre ma vie passée et ma vie présente, qu'était-il devenu? Le désir d'appliquer cette science au profit de l'espèce humaine. Il avait disparu, il était mort, enseveli à jamais en mon cœur, avec les milliers de rêves qui avaient péri en même temps que lui. Lorsque l'acte eut été commis, il me sembla que je ne comptais plus dans toute l'espèce humaine que des ennemis. Je la voyais d'un œil tout différent. Je savais que je portais au-dedans de moi un secret dont la connaissance ferait de moi pour elle un objet répugnant et odieux. Oui, je le savais, et cependant, je disposais de mon avenir en une suite de bienfaits qui devaient s'étendre sur mes contemporains et leur postérité. N'était-ce point assez pour tuer mon ardeur, pour changer mon activité en repos? Plus je me donnerais de peine, plus les honneurs que j'acquerrais auraient d'éclat, plus ma chute définitive serait profonde et terrible. Je ne faisais qu'augmenter la hauteur de l'échafaudage duquel je tomberais. Quand ces diverses pensées se furent nettement formées en moi, une nouvelle manière d'envisager les affaires humaines remplaça mes anciennes aspirations. Dès le moment où quelque objet a cessé de le charmer, l'homme cherche des raisonnements qui le consolent de cette perte. « Quoi ? » me disais-je. « Pourquoi me flatter de l'idée que je puis être utile, que je puis éclairer l'espèce humaine ? Sommes-nous assurés qu'en réalité, la sagesse individuelle n'ait jamais produit ce résultat ? Valons-nous vraiment davantage, parce qu'il a existé un Newton ? Sommes-nous plus heureux grâce aux pensées de Bacon ? » Cette suite de réflexions, si propre à dissoudre, à refroidir mon ardeur, était plus agréable à mon esprit que ne l'avait été le brûlant et jeune enthousiasme dont il s'était nourri jusqu'alors. Quand je n'étais encore qu'un enfant, j'avais professé le dédain envers une ambition purement mondaine. Ma vue ne s'était point laissée abuser sur la vraie valeur des sceptres et des couronnes. Elle devinait les inquiétudes du pouvoir, les humiliations de la vanité. Ce qui m'avait animé, c'était une ambition tout intellectuelle. Et désormais, cette dernière m'apparaissait elle aussi comme une illusion. Je ne désirais plus la lumière que pour moi, que pour y plonger mon âme. Je serais allé chercher pour le porter sur la terre le feu de Prométhée. Mais je n'aurais pas donné à l'homme ce qui devient pour lui un bien ou un mal que d'après des circonstances fortuites, dont je n'aurais pu me rendre le maître. Oui, j'ai toujours aimé, j'aime encore. Et si je devais vivre toujours, j'aimerais toujours la science. C'est une compagne qui vous console. C'est un but qui vous conduit au l'été. C'était fini. Je ne devais plus connaître cette ambition sublime qui vous montre la science non comme un but mais comme un moyen. Contrairement aux préjugés communs, l'abeille travaille pour travailler et non avec l'idée bien nette de se préparer des provisions pour l'hiver. Agissant comme elle, j'étais d'année en année butinant tout ce que l'univers offrait à mes recherches sans me demander à quoi cela pouvait servir. Je m'étais élancé dans un monde terrifiant afin de pouvoir m'abandonner à mes rêves. Hélas, les rêves s'étaient dissipés et il m'était impossible de revenir en arrière. Le repos, tel était désormais pour moi le but, la réalité même de l'existence. Je m'épris de la doctrine de ces vieux mystiques selon lesquels le bonheur consiste en une tranquillité immobile, éternelle. Et où trouver cette tranquillité parfaite, sinon dans la solitude absolue? Je ne m'étonnais plus de voir les hommes de jadis, quand ils étaient hantés par le souvenir d'une faute, imiter les ermites et aller chercher un refuge au désert. La tranquillité, la solitude peuvent seules adoucir les tourments que cause un souvenir odieux. Les peines légères se perdent dans la foule. Les souffrances cruelles se combattent l'une l'autre jusqu'à extermination et laissent le champ de bataille devenir un lieu de silence et de paix. Bien des années se passèrent. Bien des fois je changeais de résidence. Toute l'agitation turbulente qu'il y avait en moi, sinon l'inquiétude, avait disparu peu à peu de mon âme. Le temps avait fini par m'endormir dans un sentiment de sécurité. Je respirais plus librement. Parfois même, le passé semblait s'effacer tout à fait. Depuis que j'avais quitté Knaresborough, le hasard m'avait procuré à diverses reprises l'occasion d'être utile à mes frères, non par ma science, mais par des actes de charité et de courage, par des actes individuels, dont le souvenir me donnait quelque soulagement. Si le grand projet d'être utile au genre humain s'était évanoui, si à une bienveillance disproportionnée avait succédé l'apathie ou le désespoir, du moins, l'être humain, personnel, tenait encore fermement à mon cœur. J'étais toujours prompt à la pitié, prompt à prendre le rôle de protecteur, heureux de faire des heureux toutes les fois que les vicissitudes de la vie m'en offraient l'opportunité. Et surtout, jamais ma main ne fut fermée à la misère. Hélas, il n'est pas de démon plus terrible que celui qui entre dans l'âme d'un homme quand la pauvreté est sur le seuil de sa demeure. Un seul acte généreux, que de noirs projets, qui cherchaient à s'y faire jour, à prendre corps, sont anéantis par ce bienfait. À celui qui considère le monde comme un ennemi, prouvez-lui qu'il a un ami, un seul. C'est comme si vous lui arrachiez le poignard de sa main. Je me rendis dans une contrée pittoresque et lointaine de ce pays. Walter Lester, je vins à Grassdale. Le paysage enchanteur qui m'entourait, la situation écartée, la paix et la tranquillité de cet endroit me séduisirent à l'instant. « C'est ici, me dis-je alors, dans cette vallée, que je veux finir ma vie languissante. C'est au milieu de ces tombes si paisibles qu'on creusera la mienne, et que l'on ensevelira pour toujours mon secret avec moi. » Je louai la maison solitaire que vous connaissez. J'y transportais mes livres et mes instruments scientifiques, je formais de nouveaux projets dans le vaste empire de la science, et un profond repos, qui parfois ressemblait à du bonheur, entoura mon âme comme d'un doux sommeil. J'étais dans cet état d'esprit, affranchi des souvenirs, ayant renoncé à plonger mon regard dans cet avenir que je connaissais par 12 ans de passé, lorsque je vis pour la première fois Madeleine Lester. Dès cette première fois, il me sembla qu'une lumière soudaine et céleste rayonnait sur moi. Sa figure, oui, sa sereine et touchante beauté, m'apparaissait comme une vision. Mon cœur s'échauffait à sa seule vue. Mon pouls lui-même perdait de sa lenteur accoutumée. Je retrouvais ma jeunesse, oui, la jeunesse, la force non seulement de l'âme, mais même du corps. Mais alors je ne pouvais que la voir ou lui parler. Je ne l'aimais pas encore. Nos rencontres étaient assez rares. Lorsqu'elles avaient lieu, je croyais sentir autour de moi, pendant tout le reste du jour, la présence d'un esprit bienveillant. C'était une émotion vive mais délicieuse, toute intérieure. Le vent du sud soulevait les flots noirs de mon intelligence, mais tout se taisait bientôt, et le calme revenait. 2 ans s'écoulèrent depuis le jour où je la vis pour la première fois, jusqu'à l'incident qui nous fit connaître l'un à l'autre. Je n'ai pas besoin de le raconter, nous nous aimions. Mais comment dire les luttes qui se livrèrent en moi pendant le développement de cet amour? Combien il me semblait étrange que je cédasse à une passion qui me rapprochait de l'espèce humaine. Plus je l'aimais, plus je sentais croître en moi l'effroi de l'avenir. Ces choses, qui étaient restées profondément endormies, se réveillaient pour reprendre une réalité terrible. Le sol qui couvrait le passé pouvait s'ouvrir, le mort reparaître, et ce gouffre d'où sortait ce fantôme me séparait pour toujours d'elle. Quelle malédiction j'apporterais peut-être à cette charmante créature qui me témoignait tant de confiance. Souvent, bien souvent, je formais la résolution de la fuir, de la quitter, de chercher quelque part dans le monde un désert où je n'aurais plus à craindre d'être trahi par les émotions humaines. Mais comme l'oiseau qui se débat dans le filet, comme le lièvre qui ruse devant le chasseur, je ne faisais que m'agiter sur place en effort puéril, sous l'influence d'une fatalité toute-puissante. Voyez combien elles sont étranges, les coïncidences qu'amène le destin qui nous donne des avertissements et nous ôte les moyens d'y obéir, comme un prophète décevant, comme un démon railleur. Le même soir où je connus Madeleine Lester, Haussmann, que ses projets de fraude et de violence avaient amené dans ce pays, me découvrit et me retrouva. Imaginez ce que je ressentis, lorsque dans le silence de la nuit, j'ouvris à son appel la porte de ma demeure solitaire, et à la clarté de la lune qui avait été le témoin de ce complot inoubliable, je revis mon complice après tant d'années écoulées. Le temps et toute une vie de débauche avaient changé, endurci, dégradé tout son être, et je me savais retomber soudain au pouvoir d'un tel homme. Il passa cette nuit sous mon toit. Il était pauvre. Je lui donnai tout ce que j'avais sur moi. Il me promit de quitter cette partie de l'Angleterre, de ne plus chercher à me revoir. Le lendemain, je ne pouvais plus supporter mes propres pensées. La secousse avait été trop brusque. Elle avait amené un flot trop troublé, trop rapide, d'émotions troublantes, d'agitation, de tourments. Pour chercher du soulagement, je me réfugiais dans la maison que m'avait offerte le père de Madeleine. Mais vainement, je m'efforçais par le vin, par la conversation, par la présence d'êtres humains, par des services que je leur rendais, de conjurer le spectre qui avait surgi de la tombe ouverte par le temps. Je ne tardais pas à retomber dans mes pensées. Je résolus de m'envelopper une fois de plus dans la solitude de mon cœur. Mais je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit, en anticipant sur ce qui me reste à raconter. J'avais pris une résolution, elle était vaine. Le destin avait décidé que la vie de la pauvre Madeleine se flétrirait sous l'ombrage vénéneux de mon amour. Haussmann vint de nouveau me trouver. Cette fois, il me montra les côtés humiliants du crime, les calculs bas qui y avaient poussé, l'invraisemblance de tout plaidoyer, la vile influence, la sotte hypocrisie qui y apparaissait. Tout cela constituait mon principal châtiment. Il me fallait esquiver, apaiser, acheter ce méprisable scélérat. Il n'importe peu que vous sachiez comment j'y parvins. Je lui donnai à peu près tout ce que je possédais, à condition qu'il quitterait l'Angleterre pour toujours, et ce fut seulement quand je crus qu'il s'était conformé à son engagement, ce fut seulement le jour où je crus qu'il avait quitté l'Angleterre, que je laissai ma destinée s'unir irrévocablement à celle de Madeleine. Fou que j'étais! Comme si les lois pouvaient être un lien plus fort que ne l'était notre amour. Bien souvent, quand on commet une faute, on l'expie dans ce que l'âme a de plus élevé par ce qu'elle a de plus bas. Quand j'étais seul, je me plaisais à me laisser porter sur l'aile de la rêverie qui m'entraînait bien loin de la terre. Et c'était certes une humiliation atroce que d'être réveillé de cette extase intellectuelle par la nécessité de marchander, de me débattre, d'ergoter sur des livres ou des pens avec un homme comme Haussmann, afin de sauver ma vie. Voilà les malédictions qui rendent plus cruelle la tragédie de la vie, en écrasant notre orgueil. Mais voici que je reviens à ce que j'ai déjà dit. J'allais épouser Madeleine. J'étais redevenu pauvre, mais je n'aurais point à souffrir de la pauvreté. J'avais réussi à obtenir la promesse d'un emploi. Pour faire cette demande, j'avais dû violenter mon naturel. J'avais fait cette démarche non avec l'humilité d'un mendiant, mais avec la dignité d'un homme qui réclame ce qui lui est dû, et ma demande avait reçu un accueil inspiré par le même sentiment. J'allais donc être heureux. Je croyais Haussmann écarté pour toujours de ma route. Madeleine serait bientôt à moi. Je m'abandonnais de nouveau à l'amour. Ébloui, plein d'illusions, j'allais en avant, et j'ouvris les yeux trop tard. J'étais au bord du précipice dans lequel je vais tomber. Vous savez le reste. Mais alors quelle ne fut pas mon épouvante, j'appris tout. Ce Clark était son oncle, et cet homme que j'avais tué en croyant ne détruire qu'une des unités qui composent l'espèce humaine, ce Clark était le frère de Lester. Vengeance mystérieuse de la destinée, toujours infaillible et ingénieuse dans ses coups. Ainsi, au moment même où je me croyais le plus loin d'elle, sa main allait se refermer sur moi qui était venu m'y jeter. Réfléchissez-y, jeune homme. Il y a dans cela une morale dont bien peu de prédicateurs peuvent vous parler d'une façon si convaincante que moi. Réfléchissez-y. Les cas où les hommes violent les lois particulières sont peu nombreux, comparativement à ceux où ils enfreignent les lois générales. C'est surtout dans ces dernières circonstances que nous nous berçons de sophismes qui ont l'apparence de vérité. Au point de vue particulier, il m'était aisé de me démontrer à moi-même que je n'avais commis aucun crime. J'avais fait disparaître de l'univers un homme qui y était nuisible. La richesse entre ses mains était un danger pour la société, et entre les miennes, elle était une source de bienfaits dont plus d'un profiterait. Au point de vue individuel, l'humanité avait réellement gagné à mon acte. Mais les conséquences générales que je m'étais refusé alors à examiner apparurent ensuite à mes yeux avec une clarté effrayante. Les écailles tombèrent de mes yeux, et je me vis tel que j'étais. Tous mes calculs se dissipèrent instantanément. Car quel avait été le bien que je m'étais proposé de faire, comparé aux maux que j'avais déchaînés sur votre maison? Votre père était-il ma seule victime? Et Madeleine, ne l'avais-je pas tué du même coup? Lester, n'avais-je pas raccourci le temps qu'il avait à vivre? Et vous-même, n'avais-je pas terni le jeune éclat de votre existence? Il est impossible de calculer, de mesurer, d'envisager toutes les conséquences d'un crime, même quand nous croyons les avoir pesées dans une balance que ferait pencher le poids d'un cheveu. Oui, auparavant je n'éprouvais pas le remords, mais désormais je le connus. J'avais nié d'avoir commis un crime, et désormais le crime me semble être l'essence même de mon âme. Le destin de Thèbes, qui avait apparu à l'Antiquité comme la plus terrible des fatalités humaines, était devenu le mien. Le crime, sa découverte, un désespoir sans remède. Écoutez ma voix, c'est celle d'un homme qui a le pied sur le bord d'un gouffre, dont aucune raison ne peut pénétrer la redoutable nature. Écoutez-moi. Lorsque votre sœur vous suggérera de vous engager dans une route différente de celle que suit la majorité des hommes et qu'il aurait prescrite et qu'il vous murmurera « Cette action peut être un crime pour un autre, mais non pour toi. » Alors, tremblez. Restez d'un pied ferme, inébranlable, sur le sentier dont on cherche à vous écarter. Souvenez-vous de moi. Et dans cet état d'esprit, il me fallait feindre, user de dissimulation. Si j'avais été seul au monde, si Lester et Madeleine n'avaient point été ce qu'ils étaient pour moi, j'aurais pu faire l'aveu de mon acte et des motifs qui m'y avaient poussé. J'aurais pu convaincre les cœurs humains. J'aurais pu exposer dans tous ces détails la ténébreuse série de déductions et de tentations qui peuvent nous égarer et faire de nous les instruments de l'ennemi par excellence. Mais tant que leurs yeux étaient attachés sur moi, tant que leurs existences et leurs cœurs étaient suspendus aux chances de mon acquittement, j'avais à lutter contre la vérité, moins pour moi-même que pour eux. C'est à cause d'eux que je saignis mon âme. C'est à cause d'eux que je devins un misérable impudent, habile, adroit. Mon plaidoyer atteignit son but. Madeleine est morte sans une pensée de défiance à l'égard de l'homme qu'elle aimait. Lester, à moins d'une perfide indiscrétion de votre part, mourra dans la même conviction. À la vérité, depuis que l'art de l'hypocrisie a été employé pour la première fois, l'amour-propre qui fait qu'on persévère dans ce qu'on a commencé pourra me faire trouver quelque charme à laisser le monde dans cette erreur, ou du moins à lui inspirer quelques doutes. C'est pour vous que je surmonte ce désir, dernière faiblesse d'un orgueilleux. Maintenant, mon histoire est achevée. Je ne lèverai pas le voile sur ce qui en ce moment même se passe dans mon cœur. N'importe qu'il y règne le désespoir, ou l'espérance, ou des émotions terribles, ou une tranquillité plus terrible encore, mes derniers moments ne donneront point un démenti à mon existence. Sur le bord même du gouffre, je ne ferai point le poltron, je ne tremblerai point devant le sombre inconnu. La soif, le rêve, la passion de ma jeunesse vit encore. Je brûle de connaître les obscurs et sublimes mystères que proclame la mort. Peut-être ai-je une vague espérance, peut-être l'esprit immense et invisible dont j'ai nourri et adoré en moi l'émanation, quoique je lui ai rendu un culte d'erreur et de vanité, pour avoir dans cette créature tombée un être égaré par sa raison, et non un méchant qui a cédé à des vices. Le guide que j'ai reçu du ciel m'a déçu, et je me suis perdu, mais je n'ai point couru tête baissée de crime en crime. À côté d'une action coupable, quelques bonnes œuvres et bien des souffrances peuvent avoir leur poids. Dans le séjour obscur et lointain qui me sera assigné, je pourrai peut-être contempler dans sa demeure glorieuse la figure maintenant immobile de celle qui m'a appris à aimer, et qui même en ce séjour connaîtrait à peine le bonheur si elle ne pouvait répandre sur moi la lumière de son divin pardon. J'en ai dit assez. Lorsque vous romprez ce sceau, mon sort depuis longtemps n'appartiendra plus à l'humanité ni à la terre. Les désirs dévorants que j'ai connus, les splendides visions que j'ai contemplées, les aspirations sublimes qui souvent m'ont élevé au-dessus des choses sensibles et matérielles, tout cela parle en moi et me dit que je suis l'essence de quelque chose d'immortel, la créature de Dieu. Comme les sages d'autrefois ramenaient leurs manteaux sur leur face et rassemblaient leur énergie pour mourir, je m'enveloppe dans la paisible résignation d'une âme ferme jusqu'à la dernière minute, n'attendant pas même que la vengeance humaine me fasse quitter ce monde à sa manière. J'ai dirigé de ma propre main la marche de ma vie. Ma main aussi déterminera l'heure et le genre de ma mort. Eugène Aram, août 1759.